إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وتقربوا إليه واستقيموا إليه واسلكوا كل طريق يوصلكم إليه فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة والفلاح وجميع المصالح فقوله آمنت بالله أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي وإلهي الذي لا رب لي سواه ولا معبود لي إلا إياه وإنه الموصوف بصفات الكمال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء المحيط بكل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة وحكما الحميد في أسمائه وأوصافه وأفعاله الحكيم في خلقه وشرعه وعطائه ومنعه الرحمن الرحيم الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع نواله قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويعطي سائلا ويرفع أقواما ويضع آخرين بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل شيء وكل حي وليس للعباد غنى عن طاعته والافتقار إليه ولا لهم ملجأ ولا ومعاذ وملاذ ولا اضطرار إلا إليه فمن آمن بالله على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم واستحق الفوز في جنات النعيم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد الأقوال الخالية من الأعمال وإنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وأثمر الخشية من علام الغيوب قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وتمام الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله ومعرفة الشر والاجتهاد في تركه. فليجاهد العبد نفسه في تحقيق التقوى ويستعين بالملك الأعلى ويسأل الله الثبات إلى الممات، أن يحفظه الله من فتن الشبهات والشهوات. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واجتمع على تفسير ذلك وبيانه الخلفاء الراشدون الأربعة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: استقاموا على طريق الطاعة ولم يروه روغان الثعالب. وعن عثمان رضي الله عنه قال: أخلصوا العمل لله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، الاستقامة سلوك صراط الله المستقيم المدلول عليه بقوله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، دين قيم من غير عوج ولا ميل. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاستقامة التامة هي الاستقامة على التوحيد في تحقيق معنى لا إله إلا الله، فيطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه، ويشكر ولا يكفر، والمعاصي كلها قادحة في التوحيد لأنها إجابة لداعي الشيطان. وقد قال الحسن وغيره في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب: وهذا ينافي الاستقامة على التوحيد، ومن استقام له توحيده استقام له كل عمل واستقام له كل حال. استقام في أقواله وأفعاله، استقام في سره وجهره، استقام إصرارا كما استقام إقرارا. الاستقامة رحمكم الله تجمع حسن العمل والسير على نهج الحق والصدق. وأولى ما يتعاهد في الاستقامة استقامة القلب على التوحيد ومعرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه. فإذا ما استقام القلب استقامت الجوارح كلها على طاعة الله. وفي الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان. وفي الحديث عن أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء في الحديث مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتستسلم، فتقول: اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر فبالمقاربة، فإن لم يستطع المقاربة فيخشى عليه أن ينزل إلى التفريط والإضاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يسأل ربه عز وجل السداد والهدى، وذكر بالسداد تسديد الرمي، وبالهدي هداية الطريق. رواه مسلم وغيره. والمقاربة أن يصيب من قرب من الغرض إذا لم يتمكن من إصابة الغرض نفسه. وجاء في حديث الحكم ابن حزن الكلبي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا ولن تطلبوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا، أي اقصدوا إلى التسديد والإصابة والاستقامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد، أي المستقيم المقتصد في الأمور، لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي طبيعته وسجيته. حديث حسن، حديث صحيح، أخرجه أحمد وغيره. نعم يا عباد الله، يجمع الاستقامة الاقتصاد في الأعمال ولزوم السنة وسلوك طريق القصد والوسط بين طرفي الإفراط والتفريط واجتناب منهج الجور والإضاعة. وتأملوا رحمكم الله هذه الآيات البينات من كتاب الله في رسم حدود الاستقامة. يقول عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة مقابلها الطغيان ومجاوزة الحد في كل أمر خروجا عن الاستقامة فيه. والطغيان ينتظم أصول المفاسد. فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد. عباد الله، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، والاستقامة دليل اليقين وطريق المخلصين وحسن الظن برب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة ودليل اليقين وطريق المخلصين. Serviteur d'Allah, craignez Allah et rapprochez-vous d'Allah et mettez-vous sur le droit chemin et suivez le chemin qui vous ramènera vers lui. Car il a été dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: dis-moi quelque chose ou une parole dans l'islam que je ne pourrais demander à personne d'autre après toi. Et il lui a dit: dis, je crois en Allah, thumma istaqim, puis ensuite mets-toi sur la droiture, sois ferme, sois droit dans ta pratique de l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce conseil, il a réuni les fondements du bien et toutes les branches du bien. Dans une parole qui est résumée et courte, il a mentionné les fondements de la guidance et du bien, qui produit les fruits du bonheur et du succès, et tous les bienfaits que le musulman peut espérer et souhaiter. Et lorsqu'il a dit, « Dis, je crois en Allah », cela signifie, « Je reconnais du fond de mon cœur que Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur et celui que j'adore, celui qui est mon Seigneur en dehors de tout autre et en dehors de toute chose. Et il n'y a pas rien d'autre que lui qui mérite d'être adoré. Et c'est lui qui est décrit par les attributs de perfection et qui est purifié de tout défaut, de toute faiblesse et de toute ressemblance. Il est le premier et personne n'est avant lui. Et il est le dernier et personne n'est après lui. Il est celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Et il est celui qui est le plus près et personne n'est plus près de ses créatures que lui. Et il enveloppe toute chose par sa miséricorde, par sa science, par sa puissance, par sa volonté et par son jugement. Il est le digne de louange dans ses noms et dans ses attributs et ses actions. Il est le sage dans sa création, dans sa législation, dans ses dons et dans ce qu'il retient. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le généreux et le noble, celui qui enveloppe et qui donne à tous ses serviteurs toutes ses grâces et ses bontés. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Sourate Ar-Rahman que tous les êtres qui habitent dans les cieux et sur la terre lui demandent, et chaque jour il est occupé à une tâche. Il pardonne un péché, il délivre d'un malheur, il donne à quelqu'un qui lui demande, et il exauce les invocations de celui qui l'exauce. Il élève certains et il rabaisse d'autres. Le royaume des cieux et le royaume de toutes choses est entre sa main, et c'est vers lui que toute chose retournera. Et les serviteurs ne peuvent se passer de son obéissance. Ils sont indigents auprès de lui, et c'est vers lui qu'est le refuge et la protection, et toute chose revient vers lui. Donc celui qui croit en Allah de la manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux serviteurs de croire en lui, et qui s'est mis droit et a tenu fermement à la législation et à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est certes mis sur le droit chemin, et il a certes été droit et ferme sur la vérité, et il a mérité à cause de cela le succès vers le paradis des délices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Et la foi, ce n'est pas une parole que quelqu'un prononce avec la bouche et qu'il dit avec espérance sans faire aucune action, hein, sans faire aucune action, sans faire aucun travail. Mais au contraire, la foi, c'est ce qui est fermement ancré dans le cœur des croyants et qui est confirmé par les œuvres et qui donne comme fruit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ce sont ceux qui établissent la salat et qui donnent ou qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Et ils auront des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une généreuse subsistance. Et le musulman, le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en sécurité et en paix vis-à-vis de sa main et de sa langue. C'est-à-dire que le vrai musulman, eh bien les autres musulmans n'ont pas besoin d'avoir peur d'un mal qui viendrait de sa main ou qui viendrait de sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que le musulman, le vrai croyant, c'est celui dont les gens sont en sécurité vis-à-vis de lui dans leur vie et leur richesse et leur bien. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas qu'un musulman porte atteinte à leur vie ou touche à leur bien. Et si tu es réellement sur la droiture et sur la fermeté dans la religion, eh bien, cela signifie que tu dois connaître le bien et faire des efforts pour le mettre en application. Et cela signifie également que tu dois connaître le mal et faire des efforts pour t'en écarter et l'abandonner. Et donc, le musulman est celui qui fait des efforts contre son propre âme pour essayer de réaliser la piété en lui-même. Et il demande en cela, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, le très haut. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah le raffermisse dans sa pratique et dans sa religion jusqu'à la mort. Et il demande à Allah également de le préserver de toutes les épreuves, de toutes les ambiguïtés, de tous les doutes, de toutes les tentations qui pourraient le toucher dans son cœur et l'empêcher de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'égarer du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie: et ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah, puis qui se sont tenus fermement sur le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment de la mort et leur disent: ne craignez pas et ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui était promis, qui vous a été promis. Et les gens du tafsir et les ulama de l'islam, parmi les khulafa al-rashidin, ont tous expliqué ces versets au sujet de l'istiqama et de la droiture et de la fermeté de la même façon et avec des termes qui résument la signification. Essayez de vous approcher un peu. Il y a des gens qui sont dans l'entrée. Ils ont besoin d'espace. Barakallahu fikum. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit que puis qu'ils se sont mis sur la droiture, cela signifie qu'ils n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se sont tournés vers autre chose que lui. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a expliqué ce verset thumma staqamu en disant que c'est-à-dire qu'ils se sont mis droit sur le chemin de l'obéissance et ils n'ont pas joué au renard et à la tromperie des renards. Othman radiallahu anhu, il a expliqué le verset thumma staqamu en disant c'est-à-dire qu'ils ont purifié leurs œuvres pour Allah seul, c'est-à-dire pour faire des œuvres pour Allah seul avec sincérité. Et Ali radiallahu anhu, il a expliqué le verset thumma staqamu et il a dit c'est-à-dire d'établir les œuvres ou les actes d'obligation qui sont des obligations. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a mentionné la même chose. Serviteur d'Allah, sachez que l'istiqama, le fait d'être sur l'obéissance, sur la pratique de l'islam et sur la droiture et de rester ferme sur l'obéissance d'Allah, c'est de suivre le droit chemin, le chemin qui a été indiqué et la voie qui a été indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ce qui signifie dans le Coran: alors établis-toi ou bien mets ton visage droit sur la religion. Et il décrit cette religion en disant ad-din lid-din hanifan, c'est-à-dire il dit que tu dois te mettre droit sur ta religion en étant un hanif. Et le hanif, c'est celui qui s'est écarté des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui s'est tourné uniquement vers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore personne d'autre que Allah. Donc il se tourne droit, il tourne son visage droit dans la religion des hunafa, il est hanif. Et il dit que c'est la nature par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes ont été créés hunafa à la base. Ils sont tous nés sur le tawhid. Et il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Et voilà la religion de la droiture. La religion dans laquelle il n'y a pas d'égarement, de choses qui tournent dedans, tout est droit et clair. L'imam al-Hafiz ibn Rajab, il a expliqué que la réalité de l'istiqama, c'est d'établir le tawhid et de comprendre et de réaliser la réalité de la parole la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela signifie de façon absolue et totale, complète, lorsqu'on comprend cette parole, qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéir et ne pas lui désobéir, être reconnaissant et ne pas être ingrat, et également s'écarter de toutes les formes de désobéissance envers Allah. Car toutes les formes de désobéissance, eh bien, ont un effet négatif sur notre tawhid, sur notre unicité d'Allah. Hein? Et cela nuit à notre tawhid. Et selon la désobéissance, si la désobéissance en question est un acte de shirk majeur ou de kufr majeur, dans ce cas-là, ça détruit complètement le tawhid. Mais si c'est une forme de shirk mineur ou de kufr mineur ou une bid'ah ou un kaba'ir, des grands péchés, alors dans ce cas-là, ça diminue la pureté du tawhid, mais ça ne l'annule pas complètement. Et donc, il faut savoir de cette façon que tout ce que le serviteur fait comme désobéissance envers Allah, c'est une atteinte à son tawhid, soit dans les fondements ou bien dans la perfection ou la perfection de son tawhid. Et donc, il doit s'écarter de tout ce qui implique une désobéissance à Allah, car lorsqu'il désobéit à Allah, il répond en réalité à l'appel du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui, il dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Hein? Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire celui qui fait tout ce qu'il désire, tout ce que son âme l'incite à faire comme désobéissance et comme péché, il le fait. Donc c'est comme s'il avait pris sa passion comme son Dieu, comme sa divinité. Et donc ça, c'est dangereux. Et la chose la plus importante à dire ou à faire, si on veut être sur l'istiqama, sur la droiture, eh bien c'est de commencer par mettre notre cœur droit sur l'obéissance et sur le tawhid. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si le cœur est droit, le reste du corps sera droit. Mais si le cœur est mauvais, et le reste du corps sera mauvais et corrompu aussi. Donc, de commencer par réformer et changer le cœur et d'essayer de mettre le cœur droit. Puis par la suite, de corriger le reste du corps. Et parmi les éléments du corps, une des choses les plus importantes à mettre sur la droiture, c'est notre langue. Parce que la langue est parfois la cause de la perdition de beaucoup d'entre les hommes. Et donc ça, c'est un rappel général. Et souvent les gens, quand ils disent, par exemple, les gens à notre époque, ils ne disent plus le terme istiqama, ou bien à propos de quelqu'un qui applique l'islam ou pratique sa religion, ils ne vont pas dire de lui il est mustaqim. Les gens ont un nouveau terme qu'ils emploient parfois, ils disent il est multazim, c'est un musulman qui est multazim en arabe. Sauf que le terme qui est employé dans le Coran pour désigner le musulman qui est réellement accroché à sa religion et qui pratique l'islam et qui essaie de s'écarter de tout ce qui est interdit et de faire tout ce qui est ordonné, c'est celui qui est mustaqim, qui est sur l'istiqama, qui est sur As-Sirat al-Mustaqim, et qui essaie d'y rester et de la manière la plus complète possible pour être le meilleur musulman qu'il peut être. Et donc ça, c'est chacun de nous dans notre religion, dans notre pratique de l'islam, on doit essayer à chaque fois de s'améliorer